524 activation, oral, imperative, review. Answer according to the example. You hear, un, il faut commencer. You say, eh bien, commençons. Deux. Il faut parler français. Eh bien, parlons français. Trois. Il faut écouter. Écoutons. Quatre. Il faut travailler. Eh bien, travaillons. Cinq. Il faut inventer une histoire. Inventons une histoire. Six. Il faut essayer. Eh bien, essayons. Sept. Il faut discuter. Eh bien, discutons. Huit. Il faut espérer. Espérons.